Johnny Fudal, star des années 2050, avec l'aimable autorisation de l'auteur. Chapitre 1 du football interactif. Nous sommes le 14 novembre 2049. L'équipe de France affronte le Canada dans le cadre du match de barrage intercontinental en vue du Mondial 2050. Après 90 minutes, les deux équipes sont à 0-0 et devront se départager au tir au but. En effet, depuis que la MIFA a cédé ses droits à la EA Sports Federation, quelques règles ont changé. Les matchs de barrage sont intercontinentaux, ça se joue en match à élimination directe sur terrain neutre. Nous allons observer une autre innovation. En effet, les prolongations ont été supprimées et remplacées par une séance de tir au but américain. Jugée trop hasardeuse, la séance de tir au but classique a été remplacé par le modèle US. Un peu comme en hockey sur glace, le tireur s'élance du rond central et a 30 secondes pour marquer. Un joueur technique peut facilement effacer le gardien adverse et faire profiter de sa vivacité à son équipe. La séance débute après une pause de 15 minutes. Pendant cet interlude, les spectateurs, qui ont payé pour un match en VIP, vont pouvoir sélectionner l'ordre des 11 tireurs. Depuis peu, il n'existe plus de manager, de sélectionneur. Tout est guidé par les téléspectateurs. En prenant un abonnement VIP et en justifiant avec une attestation de domicile, les Français peuvent choisir les joueurs qui porteront le maillot des Bleus avant chaque rencontre. Mieux, durant la rencontre, ils peuvent mettre 3 malus aux joueurs de leur choix. Quand un joueur atteint le seuil de malus, il est remplacé par le chouchou du banc de touche, qui aura un maximum de bonus. La rencontre peut recommencer et les téléspectateurs rechaussent leur Google Glass. Car un autre métier a été supprimé, celui de commentateur sportif. Ces lunettes permettent d'avoir un maximum d'informations sur le joueur de son choix durant un match via le célèbre moteur de recherche. Elles permettent également de discuter avec sa liste d'amis via Google Live. Le match comme au bistrot, mais à la maison. Fini les plateaux repas, soirée foot entre amis. Chacun reste chez soi et partage son avis avec ses Google Friends. La séance fut malheureuse pour les Bleus. En effet, les Canadiens ont su prendre le dessus sur les tricolores et arrachent le 11e ticket pour le Mondial 2050. Mais une dernière chance s'offre aux Bleus. Les 3 éliminés, lors des barrages, auront le droit à un repêchage interactif. La nation éliminée qui obtient le plus de likes sur Friendbook durant les prochaines 24 heures sera la 12e nation élue. Contrairement au système de management d'équipe, tout le monde peut voter. Le but est d'attirer un maximum d'internautes sur la page du Mondial, de cliquer sur une pub et de voter pour sauver son pays. Chapitre 2. By eSport. IS écrit IHE. Les suffrages ont été bons pour les Bleus. Ils profitent de la popularité renaissante d'une nation qui aime le football. Mais le football d'aujourd'hui peut-il encore prétendre se nommer ainsi? L'ère EA Sports Federation est totalement différente de la MIFA. La Coupe du Monde a lieu tous les 2 ans et comprend tout d'abord les 8 grandes nations, le Big 8. En effet, 8 pays ont signé un contrat avec la ISF pour figurer obligatoirement aux 5 prochains mondiaux. Ces 8 places sont réservées aux plus offrants. Les heureux élus sont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon, le Brésil, le Qatar, la Russie et le Royaume-Uni. Cette dernière nation est apparue en même temps que l'ère ISF. Tout comme aux Jeux Olympiques ou encore en athlétisme, les nations britanniques se sont alliées afin d'être plus performantes. Le fait d'être qualifié sans effort et juste grâce à l'argent a su attirer les plus grands joueurs qui ont demandé la naturalisation après avoir vécu sur les sols de ces nations. Outre ces 8 équipes, 3 équipes se sont qualifiées grâce au football. Durant l'année, 24 pays se sont affrontés de manière continentale pour envoyer un seul représentant au barrage. Le Canada, la France, l'Argentine, l'Égypte, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande se sont donc défiés pour obtenir leurs 3 précieux billets. Ce sont le Canada, l'Argentine et la Corée du Sud qui sont sortis vainqueurs des duels. La France rejoint également le train grâce à l'interactivité. Vous aurez donc compris qu'aucun pays africain et océanien ne sera présent au Mondial 2050. On aura 2 Nord-Américains, 2 Sud-Américains, 3 Européens et surtout 5 Asiatiques. Chapitre 3. L'Asie au top niveau. Alors que l'Europe et l'Amérique du Sud dominaient le football depuis presque 100 ans, c'est l'Asie qui s'est ensuite imposée. Profitant du football business grandissant, la Chine a décidé de lancer un énorme championnat mondial des clubs où les plus grands étaient invités une fois par an. Cette invitation s'est ensuite transformée en contrat pour des clubs chinois qui se sont ensuite transformés en clubs mondiaux. Car en 2050, nous ne parlons plus de clubs par ville, mais par clubs franchisés. Exit le FC Barcelone, bonjour l'Intal Blaugrana Club. Exit le Real Madrid, bonjour Real Fly Emiratas. Pour les deux exemples, le championnat dans lequel ils jouent est différent. Le premier a choisi la Chine, alors que le second évolue au Qatar. Le Japon, le Qatar, la Chine et l'Inde accueillent les plus grandes équipes mondiales. La Japan Masters League a, en tête d'affiche, le Bayern Commune d'Or. Le Qatar Galaxy Championships se pavane avec le QSU Saint-Germain, ou encore le Real Fly Emiratas. L'India 4.7 a récupéré le Puin Rossonero Calcio. Et comme vu précédemment, la Chinese Power League, Alex Barça. Chaque championnat est composé de 8 équipes qui s'affrontent en 4 phases. C'est l'India 4.7 qui a eu l'idée de ce système. Toutes les 7 semaines, le championnat change de phase et part pour un autre continent. Mars-avril en Amérique du Sud, mai-juin en Europe, juillet-août en Amérique du Nord et septembre-octobre en Afrique. La période novembre-décembre est prévue pour les Jeux asiatiques, pour le repos ou pour les préparations aux mondiaux, tous les 2 ans de janvier à février. Le mondial a désormais lieu tous les 2 ans, durant janvier-février et sur le sol asiatique. Le Japon, la Chine, le Qatar et l'Inde se partagent l'organisation de ces mondiaux en accueillant 2 autres pays pour envoyer un seul vainqueur au tour final. Et cette année, la eSports Fédération a fait un énorme coup de folie. Si les demi-finales se joueront en Australie, la finale se disputera sur un sol insolite. En 2022, le projet Mars One fait le pari fou d'envoyer 24 terriens sur la planète Mars en aller simple. En 2035, l'aller-retour est possible et la vie sur Mars est réalisable. En 2040, la eSports Fédération fait feu violet et signe un gros chèque pour construire la première enceinte sportive sur Mars. Le 85e Super Bowl est déjà prévu sur le sol martien. Mais bien avant cela, la finale du Mondial 2050, la 30e du nom, et 3e sous l'ère eSport, se jouant tous les 2 ans depuis 2046, se disputera sur Mars. Une idée qui a fait des émules, puisque le club américain ESPN DC United prévoit de construire un centre de formation sur la planète rouge, pour qu'en 2051, le club déménage là-bas et devienne le premier club de foot extraterrien. Aussi ambitieux que surréaliste, ce fantasme agite tous les scientifiques. Comment la eSports Fédération va-t-elle envoyer si rapidement une 50aine de personnes sur Mars? Chapitre 4. Tirage au sort difficile. Les chapeaux en vue du tirage au sort ont été dévoilés par la eSports Fédération sans trop de surprises. Les têtes de série sont les pays hôtes, Japon, Chine, Inde et Qatar. Le 2e chapeau est composé des 4 autres nations du Big 8, Brésil, USA, Royaume-Uni et Russie. Et ensuite, les 4 repêchés, Canada, Argentine, Corée du Sud et France. Le tirage au sort est sponsorisé par Point Poker, et c'est tout naturellement que tout se passe avec un jeu de cartes. Un représentant pour chaque pays est présent autour de la table. Une carte correspond à un pays du chapeau 1. Les représentants du chapeau 3 tirent une carte et découvrent avec quelle équipe du chapeau 1 ils seront. Ensuite, même sort pour les équipes du chapeau 2 qui tirent la carte du chapeau 1. Derrière, les champions locaux des quatre nations du chapeau 1 s'affrontent dans une vraie rencontre de poker. Le grand vainqueur de la table a le droit à un grand switch en décidant d'inverser, ou non, ses adversaires des chapeaux 2 et 3 avec une autre tête de série. Vous avez mal au crâne? Moi aussi. La France ira donc au Qatar avec la Russie. Le Japon défiera le Canada et le Brésil. L'Inde affrontera les USA et l'Argentine. Alors que la Chine a les restes avec le Royaume-Uni et la Corée du Sud. C'est une énorme désillusion pour les Bleus. En effet, le Qatar a récupéré feu PSG et forme donc ces nouveaux prodiges qui auraient dû être français. De plus, la Russie est tout proche de copier ses voisins asiatiques en essayant de regrouper les plus grands joueurs africains dans un championnat en pleine expansion. De plus, la Russie a été finaliste du dernier mondial, remporté par le Qatar justement, et baigne dans un climat assez malsain avec des suspicions de corruption d'arbitres. Doute rapidement effacé par la eSports Fédération après une visite du nouveau président de Russie dans leurs locaux, de quoi avoir des yeux pour ne pas voir. Chapitre 5. La France et l'Europe plongent. Loin des pétrodollars asiatiques, le championnat de France de foot a sombré dans l'amateurisme. Les eaux sont basses. Le PSG a été récupéré par le Qatar, Monaco par le nouveau championnat russe, Marseille vient d'obtenir sa licence en Inde. Les trois plus grandes équipes de ces dernières années ne sont plus en France, de quoi laisser des plumes. Et cela a causé le désintérêt des diffuseurs TV. À l'image de l'Olympique lyonnais, qui a dû déposer le bilan, le club rodanien ne vit aujourd'hui que pour son équipe féminine. Le championnat de France est géré par la FFF, mais se rapproche plus au CFA de 2014. Les 80 équipes licenciées sont dispatchées en 4 groupes selon leur emplacement géographique. Les deux meilleurs de chaque groupe s'affrontent lors de play-offs. Plus de Ligue des champions, car le football européen est quasi mort. Mais un petit championnat européen entre les champions des nations qui ont plus ou moins survécu à la rafle asiatique. On voit donc des champions britanniques, allemands, espagnols, suisses, italiens et parfois français s'affronter. Mais ceux-ci sont désormais Stoke, Sunderland, Munich 1860, Leverkusen, Levante, Sociedad, Bâle, Genève, Sassuolo, Bergame, Saint-Étienne ou encore Sochaux. La Russie est totalement désintéressée footballistiquement du vieux continent et se tourne vers l'Asie et surtout l'Afrique. Le continent africain a laissé tomber le football et s'intéresse à l'athlétisme, l'un des seuls sports qui n'a pas sombré dans le business. Mais il paraît que ce n'est qu'une question de mois. C'est donc avec une énorme crainte que les Bleus vont envoyer des joueurs peu connus au Qatar. La plupart pratiquent un autre métier que footballeur la journée. Nous pouvions parler de 60 millions de sélectionneurs, mais en 2050, les supporters français se sont désintéressés de leur sélection nationale. Les résultats n'étant plus au rendez-vous, les supporters ont pris des abonnements VIP pour le QSU Saint-Germain, le King Club Uralkoli, ex-Monaco, l'OM bybutclick.com, ou encore pour les équipes nationales qatariennes, indiennes, japonaises et chinoises. Seuls quelques irréductibles sont restés accrochés aux joueurs portant le maillot frappé du coq, se passionnant juste pour le football. Le Mondial 2050 va être une bonne occasion pour eux de prouver que l'amour du ballon rond peut dépasser l'échiquier aux multiples zéros. Surtout que la France sera confrontée à la plus grande puissance footballistique et la sélection la plus impure. Cependant, le contentement passe la richesse. Mais la présence des Bleus lors de ce mondial est un véritable miracle. Qualifiée par le système de like, l'équipe de France a été la risée de la presse. Désolé, nous avons utilisé un terme désuet. La presse papier n'existe pas, et la presse électronique se résume à donner des scores et des informations sans les développer. Ce sont les internautes qui créent leurs articles en réagissant au fur et à mesure via voxpopuli.com. La qualification chanceuse des coqs a ressassé certains vieux souvenirs. Certains ont évoqué la qualification pour le Mondial 2010 grâce à une main d'un certain Thierry Henry. D'autres ont parlé d'un match truqué face à l'Ukraine pour obtenir une qualification pour le Mondial 2014. Le mot truqué est diffamatoire, car rien n'a été prouvé malgré une enquête ouverte quelques années plus tard. 2014, justement, lointain souvenir. Depuis ce mondial, l'équipe de France ne s'est plus qualifiée pour une Coupe du Monde. Les Bleus ont alors sombré petit à petit. Même lors des 50 ans du premier et unique titre mondial, en 2048. 36 ans sans côtoyer les grandes nations mondiales. La qualification pour le mondial 2050 est un grand événement. Certains voient un coup du destin, d'autres gardent les pieds sur terre et pensent que les Bleus feront du tourisme au Qatar.